laisse tes amis et les ennuis. Je te laisse ta collection de CD, de chanteurs embouteillés. Les vols, le bateau, les couteaux, les chaudrons, le salon, le spa, le matelas, l'ordi, le lit, le chien, le bain, le chat, les draps, la maison, le cabanon. Tu me laisses l'angoisse et la poisse, et la part du lion ira aux avocats. Tes peurs, le comptable, la table, les pâtés, ta mère, le piano, le patio, la tente, la crème de menthe, le savon, le jambon, le garage, la page. Je garde le barbecue, ainsi que les films.